bienvenue dans tes oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud sera des nôtres pour nous faire entendre l'album qui l'a marqué dans Justine aux platines. Stéphanie Paradis nous fera écouter un CD qui vient de sortir dans le poste d'écoute et on ouvrira la porte de la grande boutique C'est fou pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 2 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hello, Steph. Hello, Matt. How do you do? Fine, thank you. Ah oui, c'est bon ça, cette chanson-là. Les hits, les années, peu importe les années. Mais je sais pas, moi, en 90, ben, 90 dans ces années-là, je chantais ça. Oui, c'est ça. Ça passait à la radio. Ah oui? Je sais pas, c'est peut-être parce que j'étais avec ma grand-mère, puis quand j'étais avec elle, on dirait que le poste de radio... Hein, oui. Quelconque. On dirait qu'ils captent quelque chose tout le temps de plus country. C'est ça, hein? Je sais pas ce qu'ils ont. Folklorique. Folklorique. Eh bien, de bon goût, je dirais. Je crois que ça joue encore partout, ça, ces affaires-là. Oui, oui, mais je sais pas où est-ce qu'elle pogne ça, ces ondes-là. C'est ça, on dirait qu'elle est seule, les poignées. Ça doit être à cause dentier qui change tout. Les plombages, sinon, c'est n'importe quoi de dentaire, là, c'est ça. Donc, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On fait ça tous les matins, d'habitude, régulièrement, entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Aujourd'hui, on va avoir sur la chronique que. Attends, je vais y aller dans t'es l'ordre. C'est pas sérieux. Oui, mais il y a ça, entre autres. Ça va être bon, ça. Ça va être écœurant. Hein? C'est nouveau. C'est un nouveau concept. OK. C'est la chronique du BBCF. Ça a l'air de ça. J'ai hâte de voir l'intro. Ça va être chanté comme ça. C'est comme l'hébreu. Hébreu. L'hébreu. En tout cas. Donc, aujourd'hui, on va avoir la seule chroniqueuse qu'on a en fait, c'est Justine Renaud. Elle s'en vient dans une dizaine de minutes environ. Elle va commencer un petit peu plus tard que prévu. Donc, tout à l'heure, Justine Renaud et Justine aux platines. Plus tard, après ça, on va faire ça. Ça devrait répondre là. La chronique des gadgets inutiles, bien sûr. Le poste d'écoute, ça, c'est toi. Bien sûr. En fin d'émission, vers les 9h, tu vas nous faire entendre un nouveau CD. C'est ça. J'en dis pas plus. Il y a un post-it rose dessus. Donc, c'est gagnant. Et ça, il venait pas avec, là. C'est toi qui l'as ajouté. Ah non, oh oui. Mais si un CD venait avec un post-it rose dessus, de base, c'est sûr que je serais dans un poste d'écoute, là. Oui. Mais est-ce que j'écrirais sur celui-là? Probablement que je mettrais un post-it sur le post-it. Sur le post-it, parce que le post-it d'origine fait partie de l'objet. Tu peux pas le détruire. Ben, c'est ça. C'est comme un CD qui arriverait, par exemple, avec des lunettes 3D. Mettons, exemple. Tu les laisses dedans. Oui. Tu sais, tu le mettrais pas, par exemple, sur ta tour d'ordi, puis ranger le CD, fait comme zut. Zut! Hey, ça va-tu mal, les lunettes 3D en carton? Hein? Ben, ça va mal. C'est le gars d'Orange-Orange, c'est ça? Oui, c'est ça. Dominique... Amelie. On chante bien en hébreu. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Pas que d'autres choses s'en viennent comme ça. Mais avant, on débute avec Marc-Antoine Larche. Hey, bonne idée. Pas pire, hein? Après Larche de Noé. Hein, on avait dit l'autre fois. Oui, oui. Là, ça va être à la place. L'arche de No Way, que je vais faire une autre blague de ce genre-là. No Way, c'est non. L'arche de ton pied, ça irait aussi. Oui. Dans ton lit trop grand, toi de côté, moi de l'autre. Entre nous, chaque étreinte est un risque de chute, et c'est moi qui vais tomber. Tu auras la Ah, je sais pas pour vous, mais elle me fait triper cette pièce-là. Moi, c'est Marc-Antoine Larche et la pièce Les Courants d'air à Assemblage Requis. On l'a dit tantôt, Justine Renaud s'en vient dans quelques minutes. Habituellement, le mercredi, on commencerait directement en chronique, puis après ça, on n'aurait pas grand musique dans l'émission. Des fois, on fait 3-4 chansons le mercredi. Aujourd'hui, on commence l'émission avec un petit peu de musique, mais après ça, on n'en rejouera pas même, d'après moi. À part dans la chronique de Justine. Puis à part dans le poste d'écoute. Fait que finalement, on va en jouer beaucoup. Pas mal, mais ça va faire partie de chronique, c'est différent. Ça compte moins. Quand ça fait partie d'une chronique, c'est pas au moins juste de la musique pour passer le temps. Hein? OK, ça compte moins. Ben parce que c'est pas juste pour passer le temps. Entre deux chroniques. Okay. Tu vois, la nuance de mes propos. Mais c'est pas gentil pour les gens qu'on va jouer, je trouve. Non, ça compte pas, ta toune. T'as raison. Et c'est pas très gentil pour les gens qui pensent qu'on passe leur musique juste parce qu'on a besoin de quelque chose entre deux chroniques. Fait que bref, t'as frappé sur tout le monde. Ouais, là. Mais c'est, tu vois, opportunité. Equal opportunity offender. Je frappe sur tout le monde égal, comme ça, personne se sent mal. T'sais. Ou tout le monde se sent mal. Ou tout le monde t'en veut, puis il a le goût de te frapper après. Cool! Peut-être que j'aime ça le frapper, hein? Voici Pine Tarts, Young Summer. Tu fais bien ça, Mathieu. T'en apprends trop à mon sujet, là. C'est incroyable, mais vrai, c'est la pièce Young Summer qu'on vient d'entendre à Assemblage Requis. C'est bon. Tantôt, notre amie Justine Renaud s'en vient. Salut, Justine. Allô? Moi, il faut que tu te penches un peu parce que ton micro va tomber à ta hauteur de poitrine. C'est pas nécessairement de la bonne radio. D'entendre tes seins. Ouais, c'est ça. Ben, c'est encore drôle. Ouais, c'est vrai. C'est là, ouais. Oh mon Dieu, il y a des nouveaux papillons après le. Papillon est un outil de quincaillerie pour visser des affaires. C'est vrai. Moi, je mets ça sur mes boucles d'oreilles, des papillons. Ah oui, aussi. C'est ce qui fait tenir le micro qui tombe tout le temps. Mais tu sais, quand un gars, tu dis papillon, lui, il voit la petite vis, là, puis la fille, elle voit un papillon, l'insecte. Il y a à peu près juste toi qui vois des papillons de boucles d'oreilles là-dedans. Je te juge excusez. Pas, là. Ben, pas non, sinon, pas du tout. Une cravate, un papillon, un nœud papillon. Ah, un nœud papillon. Oui, il y a ça. Oui. La cravate nouée, un nœud papillon. On connaît ça, oui. Oui. Voyons, c'est quoi ce regard accusateur-là? Non, non. Tu le juges, là? Non, non, j'essaie de voir quelle fraction de la population, quand il entend le mot papillon, pense à un nœud papillon. Moi, personnellement, ce serait en effet, et je niaise même pas, le premier article qui me viendrait en tête avec le mot papillon. Ouais. Non, essaye pas de te construire une personnalité différente. C'est vrai. C'est simplement pas une boucle d'oreille. Les boucles d'oreille, c'est pas pour moi. C'est pas une boucle d'oreille, puis c'est pas non. T'as commencé ta chronique, là? Ta nouvelle chronique? Fait d'en fait, c'est un gentleman qui fait ni du bricolage puis qui se met pas de boucle d'oreille. Je sais pas, je suis ni une fille, ni un gars. T'aimes pas les insectes, ça, c'est assez unisexe, les insectes. Pourquoi les insectes, soudainement? Mais un papillon. Ah, le papillon, ben oui, excuse-moi. T'es donc ben... C'est niveau mais 4, voyons. Hein. C'est une vis, c'est une cravate, c'est une boucle d'oreille, c'est finalement un animal. C'est quoi le rapport avec les insectes? Voyons, pourquoi tu me parles? Ouais, en tout cas, wow. T'es pas ma meilleure, celle-là, hein? Pas ma meilleure. Ben, bon matin. Bonjour, ça va? Quelle introduction. Ben vraiment, tu nous as aidé à faire bon contenu. Tantôt, ta chronique Justine Auplatine s'en vient dans quelques instants. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous présenter en avant-première, avant-prima? Une Italienne. Ah, oh, je pensais aller dire une IT9. Non. Hey, toi, t'aurais tellement voulu. J'étais toute énervée. L'IPL, Coron. Ouh. Cornrows for the win. Oui, c'est les cheveux attachés en genre. T'écoutes-tu ça, toi, une IT9? Non, mais elle m'a montré. J'ai montré des... T'es-tu une fille ou t'es un garçon? Je pense que quand tout le monde écoute Unité 9, tout le monde devient lesbienne. Ben oui. T'écoutes ça, même ton chum, il doit être lesbienne. Il écoute ça, puis il est comme, man, je veux un vagin. Et tu sais, c'est ça, il veut dire, moi, puis il pèle. Non, non, je pense que ça l'a pas ému tant que ça. Non. Ouais, non, moi, j'étais comme. Mais bien, vu le on le réécoute, on le réécoute, on le réécoute. Jusqu'à ce que finalement, tu. Hors contexte, j'avoue que moi, hors contexte, ça m'a pas ému en tant que hors contexte mais non, parce mais que j'ai pas vu l'histoire. C'est ça. C'est ouais. Pas censé être émouvant là, si tu l'as pas suivi. Moi, je suis pas sûre Unité 9 ans. J'ai pas ce temps-là. Mais moi, j'ai juste écouté cet épisode-là parce que je savais qu'elle allait passer quelque chose. Parce que j'ai des contacts. Je veux dire, tu vas sur Facebook, admettons que tu suis un groupe de promotion lesbien quelconque. Là, ils vont te dire hey, demain, écoutez Unité 9 parce qu'il va y avoir Lesbo Action. Une scène de baise. Fait que tu l'écoutes. Tu l'écoutes à cause que tu sais qu'il faut que tu l'écoutes pour être à l'affût de ce qui se passe. Faut que tu fasses tes devoirs lesbiens. Oui. Voilà. C'est fait... cool, ça. J'aimerais ça, moi aussi, faire des devoirs lesbiens. Mets-toi là-dessus. T'en fais déjà en masse. Toute la population du Québec en fait. Même Guylaine Tremblay en fait. Hey! Bonjour, Guylaine. Salut. Qui, on n'est pas... Guy. Bon. Donc, je suis sur le platine dans quelques minutes, mais avant ça, une pièce de The Pack 80, c'est pour toi, Steph. Je sais que t'aimes ça. Merci. Voici Airborne. J'écoute dans mon char. Dans ton char? Mais t'es pas dans ton char, là, fait que, gars. Tu aussi j'ai pas dans besoin de faire d'angle mort. Non, c'est ça. Regarde droit devant. C'est moi. Ouais. Comme un accident. Faut pas arrêter de regarder. Comme un accident, Charles. Ah non, c'est Mimi, ça. Can't hold to do. de Pacady et Airborne à Assemblage requis. On l'a dit tantôt, Justine Renaud, elle est enfin arrivée. On n'a pas besoin d'attendre plus longtemps. Donc voici. Hein? Vous attendiez après moi. Ben non. Bah. Qui t'a fait penser ça, voyons donc. Je m'excuse, je me suis réveillée 40 minutes en retard. Ça arrive. Oui. Ça arrive. T'as l'air pressé de repartir, t'as encore ton manteau. Ouais, c'est ça. Oui. OK, pense ça. Bon, OK, go. Elle est pressée. This music is my getaway. I think about it every day. Let's see what they gonna talk about. When I let it all out. Et c'est Justine au platine. Oh yeah, I'm at the platine. I'm at the platine. Oui, pour vous rappeler le principe de cette chronique savoureuse, c'est qu'à chaque semaine, je vous présente un album qui a marqué ma vie. Là, je suis rendue dans ma vie parce que j'y vais d'ordre chronologique, sans quoi je me mélangerais. Ben oui, je suis rendue à peu près au cégep, là. On a sauté les comptines de ta maternelle. Ah, ma maternelle, qu'est-ce que j'ai... J'écoutais Marie-Carmen, pour vrai, ouais, je vous jure. On n'a pas fait jouer de Marie-Carmen. Non, on n'a pas fait jouer. Ma petite vache en monopathe. Non, ça c'est Carmen Campagne. T'as raison. Non, j'avais comme un peu plus de Marie-Carmen Campagne, oui. Mais les deux sont folles. C'est pas grave. Ah. À un moment donné, la laveuse a brisé. Ma mère a fait venir un réparateur. Puis je me rappelle que cette journée-là, j'avais la gastro et que je m'enregistrais en train de chanter sur mon petit enregistreur là, avec le petit micro là, Fisher-Price en plastique. Ben là. Oui. Je chantais du Marie-Carmen en vomissant en m'enregistrant. Puis que c'est beau. Le petit monsieur me dit que je chantais bien. Et ton vomi avait une belle consistance. Hey. Non, mais tu sais, je veux dire, j'étais peut-être rendue dans la phase plus par... Je sais pas. Mais tu te sentais accepté donc par ton Si jamais il y a quelqu'un à Trois-Rivières en ce moment qui nous écoute et qui se reconnaît, une petite blonde, là, une petite blondinette qui chantait du Marie-Carmen pendant qu'elle vomissait, appelez immédiatement au 555-555. Il fait des cauchemars depuis ce temps-là, puis il parle juste à ça, puis là, il va t'entendre, il va faire comme « je t'aurai un jour ». Oui, c'est ça, puis ça fait genre 25 ans qu'il écoute, pas 25, j'ai 25, ça fait 20 ans qu'il écoute Claire Lamarche pour que j'y aille. Puis même que si c'est plus en onde, il écoute quand même. Ouais. Il écoute des reprises, des reprises. Cas où il y a eu des changements. C'est pour ça qu'il n'y a pas ça à prise 2, les reprises de Claire Lamarche. Ce serait très drôle. Ah, ça serait vraiment drôle. Ou que tu vois, genre, comment ils sont devenus, en fait, finalement, là, les deux, ils ont pris leur route séparée. Ils ne se sont jamais reparlés. Ils se sont jamais... Tu vois, c'est... Ah oui, on écoute. OK, bye. Ils vont prendre un Dairy Queen, puis l'autre rentre dans son char, puis il s'en va au Mexique. Donc, aujourd'hui... C'est pas du Mexique que je veux vous parler, c'est de l'Italie. Ça tombe bien, en fait, l'Italie. Pourquoi l'Italie? Mais c'est pas un pays que je veux vous dire, parce que l'Italie a pas fait d'album, hein? OK, non. Non, pas de bras. C'est difficile de faire de la musique. Ben, pas de bras, pas de bouche. On sait qu'ils ont, des jambes, parce que c'est une botte, l'Italie, c'est ça? Ah, ben oui, c'est une botte. Mais au moins une. Una botta. Les Hanson aussi ont des bottes. J'essayais de chanter du Hanson, mais ça marche pas du tout. Oui, voilà. Parce que j'ai appris cette semaine que je m'en allais faire un stage d'un mois dans un laboratoire en Italie. Félicitations! Oui, ça va être un bel fun. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi une artiste italienne que j'adore. De la saucisse. Ils ont de la saucisse italienne. Italienne, ben oui. Allô? Ben, je sais pas, me semble qu'elle se passe telle. Je sais pas comment, mon Dieu, de la saucisse. On dirait que c'est pas mon premier. Non, moi, j'irais là manger, prier et aimer. Tu penses que je vais rencontrer Julia Roberts? C'est très cool. C'est pas grave, ça, parce que c'est pas d'elle que je veux parler. Moi, c'est de Annie DeFranco. Annie DeFranco. Je sais pas comment dire. Boop-a-da-booby. Et dans le fond, je vous mens parce qu'elle n'est pas vraiment italienne plus qu'elle est italo-américaine. Ben, dans le fond, ses parents, son père est italien. Sa mère, c'est une Montréalaise, probablement de descendance italienne parce qu'elle s'appelle Elisabeth Ross. Les Ross, c'est des Italiens. Donc, elle est comme, genre, italienne mélangée, américaine, montréalaise, tout est kit. Je l'adore, cette femme-là. Ça doit être franchement ma poète, mon artiste préféré, côté toute la texture des écrits, de la musique qui est écrite, des paroles qui sont écrites. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âme. Et c'est ce que j'adore. Cette femme-là est née en 1970, qui fait d'elle une femme de 43 ans. J'ai-tu vraiment dit 63 ans? Ben non, moi, j'ai pas entendu ça. 43 ans. Aujourd'hui, ben, tu sais, dans ses jeunes temps, elle était... peut-être lesbienne, peut-être bisexuelle, mais aujourd'hui, là, t'es avec un mari et tes enfants. Je trouve ça un peu plate. Pourquoi tous les musiciens, comme ils expérimentent tout plein, puis après ça, finalement, ils décident d'opter pour la saucisse italienne? Bon. Merguez. Son mari s'appelle Merguez. Donc, Annie DeFranco joue de plusieurs instruments, dont la guitare, la bass. Elle joue aussi des percussions et du piano. Donc, elle est multi-instrumentaliste en ce sens. Et elle joue de la saucisse, on elle dit. Elle joue aussi de la saucisse maintenant, mais elle peut aussi jouer des huîtres. Le type de musique qu'elle joue, c'est en fait du folk rock, du rock alternatif aussi, mais elle a tendance à vouloir mélanger un peu là, du punk, du funk, du hip-hop, du jazz. Beaucoup d'influences un peu partout. N'importe quoi qui lui parle puis qui la fait vibrer. Son style de guitare, parce que c'est son instrument de prédilection, elle est... possède une signature staccato. Si vous savez c'est quoi staccato, c'est un peu saccadé, c'est vraiment là, c'est rythmé bizarre un peu. Ça, c'est comme ta ta ta ta. Tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Puis elle a des, elle a une façon de jouer de la guitare. J'ai déjà vu un spectacle une fois. Je me rappelle, j'avais trop bu. Ben c'est pas que j'avais trop bu, j'avais comme bu une bière, mais j'étais vraiment comme knock-out. Elle t'a tombé dessus. Non. Pas la Nini Franco, mais la bière. Oui, la bière des autres en arrière de moi aussi. Aussi. Non, c'était assez relax comme spectacle. Je préfère ça, parce que quand tu vas à d'autres spectacles, des fois, les gens, ils font du body surf. On était voir Lisa Leblanc. Hein? OK, à... Où est-ce qu'on était? C'était pas à Saint-Narcisse. C'était un Lisa Leblanc de mémoire. À Saint-Casimir. Je pense que c'était à Saint-Casimir. On était voir Lisa Leblanc. Ça faisait du body surfing, mais on était dans une salle communautaire. Une salle communautaire du body surfing. Oui, j'ai pas aimé ça. Les gens de Saint-Casimir, vous êtes un peu craqués. Bon, c'est un peu sympathique, mais j'étais de mauvaise humeur en partant. Il fallait pas faire ça. Don't do it. Et bref, pour revenir à la guitare à Annie DeFranco, elle joue avec ses doigts, mais aussi en frappant la guitare, en frappant les cordes beaucoup. Fait que c'est très percussionné comme style de jouage de guitare. D'ailleurs, vous allez en entendre une chanson tout à l'heure. La deuxième chanson, là, vous allez l'entendre, elle s'accompagne elle-même à la percussion sur sa guitare. Fait que c'est de toute beauté. Dans ses paroles, elle va souvent parler... des droits des homosexuels, les droits sexuels en général, les droits de se reproduire, peu importe c'est quoi votre allégeance politique. Non, c'est pas vrai. Elle parle aussi de pauvreté, de sexisme, racisme, etc. Et ça l'amène à être une des plus grandes féministes de notre temps. La preuve, elle ne se rase pas les dessus de bras. Non, c'est peut-être pas une preuve. Est-ce que c'est vrai? Je vous le jure. Okay. Mais j'ai été la voir au spectacle, puis elle porte tout le temps des manches coupées. Elle a vraiment des bras super musclés en passant. Là, je ne sais pas comment elle fait. Là, sûrement avec la guitare qu'elle fait là, ça doit ou en jouant de la saucisse italienne. Aussi, ouais. Puis, mais c'est en ça, cuisinant, elle, comme on appelle. Ouais, elle se rase pas, mais tu sais, je veux dire, en même temps, tu sais, pour ceux qui ont des opinions là-dessus, ouais. Moi, franchement, j'en ai rien à cirer. Puis je trouvais ça juste comme naturel. Il me semble qu'elle les portait bien, ses poils. Elle aussi en a rien à cirer parce qu'elle ne voilà. Se cire pas. Elle ne se cire c'est pas ça. Rien, pas grand-chose. Je suis pas mal sûre. Puis même avec un mari, je suis pas mal sûre que c'est statu quo un peu tout partout. Et si les Italiens doivent être polis pour mal? Je sais pas. Des Grecs, là, mais je sais pas. Hein? C'est le préjugé qu'on a envers les Italiens les et les Grecs. Les Grecs qui ont beaucoup de poils de face, une grosse moustache. Ouais, mais là, ils peuvent plus. C'est plus abordable, les poils. Ils ont plus d'argent pour. C'est pas abordable. Oh mon Dieu, là, c'est fait. Et Annie DeFranco est une des premières artistes, une des premières musiciennes indépendantes à avoir démarré sa compagnie, sa label. Sa propre dit marque. Sa propre si dit marque. Ouais. C'est Righteous Babe. C'est les CD Righteous Babe. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je connais une fille avec qui j'ai été voir, dans le fond, Annie DeFranco, qui, elle, s'est fait tatouer le logo de Righteous Babe. Mais c'est vraiment un logo super le fun. Là. C'est une fille là, qui, on la voit de dos, puis qui fait des muscles, là, comme un monsieur muscle, là. Mais de manière gracieuse. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça pas mal cute comme label de disque. Je suis cute. En tout cas, bref, féministe, femme libérée, tout est quitte. Hein? Ça finit là. Charmant, oui. Charmant. Mais l'album en particulier dont je veux vous parler, parce que c'est un album parmi 17 albums studio, 19 albums live, 32 compilations, 3 hippies et 2 livres de poésie. L'album que j'ai choisi de vous présenter, c'est Knuckle Down, donc jointure par en bas. Ben, jointure, moi, je pense que c'est comme vraiment un comme... Un coup de jointure comme pow! Ouais. Mais pas le jeu là, où ce que tu frappes les jointures. Ah, c'est drôle. Ça, c'est cool. J'adore ça. J'ai déjà fait ça une fois quand j'étais plus jeune, avec la fille qui s'est fait tatouer Righteous okay. Babes. Tout ça, là, c'est tout relié. Wow. Puis là, je suis arrivée, j'avais des grosses cloches de d'eau puis de sang, puis j'étais toute pleine de bleu sur la main droite. Puis c'était pendant une conférence à l'école. Puis je sais pas, on était à appelés à venir en avant. Puis voilà, j'avais comme la main toute en sang. C'était un peu bizarre comme... C'est là que j'ai commencé à écouter Annie DeFranco avec la dite Jane... Entre pétain et jointure. Ouais. Ouais, c'était bizarre. Mutilation. Non, pas comme ça. En tout cas, c'était bizarre. Mais l'album Knuckle Down, c'était vraiment l'album que, bon, ça sortait là. C'est sorti en 2005 et c'était son 14e album studio. je l'ai juste comme acheté parce que Jane écoutait ça. C'était mon amie. On écoutait ça ensemble. Mais c'était vraiment excellent. C'était très rempli d'âme. Si de la musique pouvait avoir un âme, celle-là en aurait plus que les autres. Puis cet album-là n'a pas vraiment pogné beaucoup. Quoique, tu sais, les critiques ont été quand même bonnes, correctes, un peu mitigées par certains. Là, parce qu'Annie DeFranco, on l'accuse beaucoup d'être un peu seule dans son monde. Tu sais, tu fais de la musique pour toi, puis... tu t'occupes pas de ce que les autres pensent. Si ça plaît à quelqu'un d'autre, tant mieux, mais je fais pas ça pour ça, je fais ça pour moi. C'est le genre de personne que Vincent Guzzo n'aime pas. OK. OK. Mais quand même été, quand même monté à 4e position des albums indépendants, le top des albums indépendants. Avant de continuer de parler de cette personne-là et de cet album-là, j'aimerais ça qu'on aille entendre tout de suite la première chanson qui s'intitule... C'est Modulation que je veux vous faire entendre en premier. Donc, on écoute ça immédiatement. Justine aux platines, c'est Fou 89. Thank you. boys will patrol, shooting glances at the mirror to see if her scar is showing. She is truly going nowhere tonight. Lecherous old lady wanna be much too young and shy, flailing her whole life just thinking she could teach herself to fly. Vehement, romantic, frantic, for forever right now, but forever's going nowhere tonight. Sick of doubting herself, though, that she thinks, I think I'd better leave. Of course, whiskey makes me smarter, and I'm happy as can be. But please excuse me, darling, it's not you, it's me. And there's a celestial dust storm on Mars, they say. So darling, you can't see it too clear. Still, I stood in line to look through their telescope. Distant ship like they seen from a foggy pier. And I know that I was warned, still it was not what I hoped. Yes, I know that I was warned, still it was not what I hoped. But I think I'm done gunning to get closer. That starstruck girl is already someone I miss. The latest me or the latest you, of course. You're the kind of guy who doesn't lie, he just doctors everything. Chooses some unassuming finger and quietly moves his wedding ring. Who rewrites his autobiography for any pretty girl who'll sing. But you can't fool the queen, baby, 'cause I married the king. And maybe it was I who betrayed his majesty. But no opposite reality. walking back on with a string. And I guess I'm pretty different now, considering. On the far side of four, I didn't like the taste in my mouth or yours. And ignoring the persona you wore for my benefit, for once I had the balls to call it, just call it. But a lesson must be lived in order to be learned, and the clarity to see and stop this now, that is what I've earned. And maybe it was I who betrayed his majesty, who know I've seen reality like a puddle with no reflection of the sky or the trees. But after my dread beheading, I tied that sucker back on with a string. I guess I'm pretty different now, considering. So dire, 'cause I look up to see integrity, finally won over desire. C'était Annie DeFranco avec la chanson Manhole. Juste avant, on entendait Knuckle Down, la chanson que je vous ai dit qui est très percussionnée par ses doigts et sa guitare en même temps. Que je soupçonne qu'il y a probablement quelqu'un d'autre qui pioche sur un instrument à cordes en même temps, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Tu sais, la percussion est très, très omniprésente. Steph avait une théorie là-dessus. Je pense que c'est une pieuvre. Oui, oui, c'est ça. Un octopussy, comme on dit. Octopussy! Moi, je l'aurais vu en spectacle si elle avait eu une coupe de bras en plus. Là, c'est difficile à cacher. Ou une coupe de pussy. Une coupe de pussy de plus. Ouais, ben oui, c'est bon. Ça. Ouais, une coupe de pouce aussi. Oui, une coupe de pouce de plus. Oh, c'est ça que je voulais dire. Ah, pussy. Peut-être juste plus de doigts. Mais tu sais, il y a des gens ça qui sont polydactyles. Doigts, oui. Polydactyle, exactement. Polydactylie. Polydactylie. C'est le genre de mot que je connais, là, tu sais. Mais oui, on c'est, est le même. C'est ça que ça permet d'avoir un bac puis une maîtrise en sciences de la santé, quelque part là-dedans. Tu connais des mots comme polydactyle. Mais tu connais pas les gens qui sont polydactyles, ouais, quand même. C'est ça. Puis quand t'es en histoire, c'est le mot ptérodactyle. Non, eux autres, ils étudient pas les dinosaures, hein, je pense pas. Je sais pas. Ça dépend de l'histoire de quoi, j'imagine. Petit pied. Peut-être une fois un dinosaure qui rentre dans un bar. C'est ça. Ouais. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous. Ah, je sais pas si. Je sais pas si. Poussi qui? Je sais pas si. C'est bon? Je sais pas si. Est-ce que vous avez écouté la musique, là, comment qu'il y a beaucoup d'âmes? C'est très âme. Il me semble qu'on était comme à la fois en Italie et en Louisiane dans ces chansons. Là. C'est comme ça venait avec un bol de ravioli, mais genre fait maison. Là. Mais wow, tellement. Mais ces paroles sont d'une beauté là, incroyable. Et on racontait là, pendant que la musique jouait et que vous ne nous entendiez pas qu'après 17 albums studio là, originaux, là, tous différents les uns des autres, comment tu fais pour composer des paroles différentes à chaque fois. Là. C'est pas comme genre du... Je le nommerai pas, là, mais notre petit Canadien préféré de 20 ans, 18 ans, je sais pas quel âge qu'il a. Là. En tout cas, lui. Là. Justin Bébé? Justin. Okay. Tu sais, baby, baby, baby, baby. C'est drôle parce que quand t'as dit ça, avant de parler du certain Canadien, c'est ça qui m'est venu en tête. C'est tellement facile. Ouais. Le mot, tu veux juste le répéter. Puis... C'est trop facile. C'est juste comme la musique. Le pop d'aujourd'hui, en majorité, c'est du tout cuit dans le bec. Tandis que elle, tu peux prendre ses paroles, puis tu peux les lire en poème, vraiment, là, carrément. Là, tu prends, tu déplies. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi là, un boîtier d'album? Ça, dans l'ancien temps, les CD en plastique, c'est une affaire rond avec un trou dedans, puis ça venait dans un boîtier en plastique. Puis, des fois, les artistes étaient assez fins pour nous donner leurs paroles. Fait qu'on pouvait comme chanter en même temps. On mettait ça à la Bible et donner leurs paroles. Moi, ça m'insulte quand c'est un poster et qu'il n'y a pas de paroles. Ah, moi aussi. Tu sais, t'as beau prendre des photos là, de choses artistiques, là, s'il te plaît, mets-moi tes paroles. De toute façon, il est plié, ça se met pas sous le mur. Non, c'est laid, hein. Faut faire que tu le repasses. Comme tout plié, blablabla. Voilà. Blablabla. Comme une pieuvre qui fait ça, blablabla. Avec ses tentacules. Blablabla. Octopussy, blablabla. Et donc, c'est ça. Ce qui fait en sorte que j'ai eu beaucoup de plaisir dans le passé à lire vraiment juste les paroles de ses chansons. Puis ça m'a beaucoup inspirée dans le temps où que, genre, j'étais comme une poète vagabonde dans l'âme et que je me défoulais en écrivant de la poésie. Avez-vous fait de la poésie? La poésie? Moi, j'écrivais beaucoup de poésie quand j'étais toute petite. Ben j'étais sur un site, genre, ça s'appelait allpoetry.com. Moi, j'écrivais en anglais anyway, fait que c'était bien parfait. Puis ça me... C'est vraiment une communauté où ce que t'écris des poèmes puis les gens sont comme ah c'est vraiment bon ouais tu sus. C'est vraiment comme un réseau social de poèmes mais c'est génial, c'était vraiment le fun parce que après ça tu pouvais aller lire d'autres poèmes puis ah ça c'est vraiment bon, t'es pas connu mais Colin que c'est bon ou tout t'es vraiment pas connu puis t'es pas bon non t'es plus pas bon. Fait qu'au pire c'est juste drôle puis il y avait des concours des affaires mais tu sais il y avait pas d'argent, t'avais un petit trophée comme en pixel quand tu gagnais des trophées. C'est encore tu allais voir c'est oui ça existe encore, j'ai encore des fois des commentaires sur mes affaires mais tu sais moi ce qui m'a le plus inquiété c'est tout le côté copyright. Ouais. Parce que j'en ai vraiment écrit une méchante râlée, là, un moment donné. Là. Mais je me disais, comme tout, mon prof d'anglais, il m'encourageait là-dedans. Et je me les suis tous renvoyés par courrier. Comme, papier, là, ouais, lettre. Ouais. Le fait que tu te les renvoies par courrier puis que tu n'ouvres jamais la lettre, c'est un copyright en tant que tel. Parce que ça prouve que tu n'as que t'as écrit ça avant la date d'envoi. Ouais. Ah, fait que si jamais quelqu'un te brime tes droits d'auteur puis qui te dit ouais moi j'ai écrit ça en 1993 puis que ben non tu sais je veux dire j'ai écrit ça en 1990 regarde la preuve. Fait qu'à la place de devoir aller au je sais pas c'est comment qu'on fait là, des droits d'auteur là, mais je sais pas pourquoi je suis rendue dans les droits d'auteur. Avant on parlait de l'artiste Annie DeFranco qui est en fait une poète, bon c'est un peu relié et italienne, ça finit là. J'espère que vous avez apprécié là, mais c'est super le fun à écouter comme en ambiance hein. Ben oui. Ambientement parlant. C'est comme disait Tom Jones dans sa célèbre chanson. On parlait de... Sex bomb, sex pas celle-là, bomb. Pas celle-là. T'sais, on parlait de Pussy. Pussycat, Pussycat, ben, c'est ça, c'est, I love you. Non, c'est pas celle-là non plus. Non. C'est l'autre. Et il parle beaucoup de Pussy, je trouve, it's de not Tom Jones. Unusual to make pas celle-là non plus. Non? Non, ah ben là, je pense que j'ai fait le tour de celle que je connaissais. Non, c'est, moi aussi. C'est quoi que je chantais déjà? What's new, Pussycat? Whoa, ben whoa, c'est whoa. Ça. C'est ça? Pussycat, I love you. C'est Pussycat, c'est un jeu de mots avec poésie. Ouais, mais aussi, ça marchait plus, ça allait plus loin avant que le... C'est vrai. Je donne le point à Justine. OK, bon, moi, je trouvais que Poésie 4, c'était drôle. Hey, je voulais juste vous dire, là, il reste combien de semaines avant comme la fin de la session? On j'ai pas été chargé de cours, mais je suis pas ça. On finit le 1er mai à Sondage Rock. Mais là, on est quelle date? On est le 2 avril. 2 avril. Fait que là, il me reste genre deux albums à présenter. Ben, tu viens quand tu veux, tu veux venir à toutes les semaines comme ça. Ouais, mais c'est ça, mais je suis juste rendu là, au cégep, moi, là. Faut t'avance. C'est, ouais, c'est ça, c'était ce que je voulais vous présenter du Bjork, que j'ai beaucoup écouté. C'était l'album que j'ai écouté, okay. Un album. Il reste 1, 2, 3, 4 émissions. Ouais, c'est ça, il m'en reste juste pour toi. Deux fois. 4 pour moi? Non, mais il reste 4 semaines d'émissions. Tu viens le nombre de fois que tu veux là-dedans. Ah, OK. Mais c'est ça, parce que là, j'arriverai pas, là. En tout cas, moi, ma dernière découverte, c'était Meu. C'est quoi ça? À un moment donné, je vous ai fait écouter là, de M avec le O barré, là. Oui. C'est pas mot que ça se prononce, c'est me. Ah, me. Oui, ça veut dire en anglais maiden. C'est quoi une maiden en français? Une dame. Ouais, je sais pas quoi, là, comme une dame. Là. C'est quelque chose de respectable qui a un vagin. OK, je pensais que c'était comme maiden China. Maiden China. Iron Maiden China. Ah, c'est bon. Que c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment là, un album excellent. No mythologies to follow. Là. C'est me. Là. Si jamais je peux pas vous le présenter, cet album-là, allez vous pitcher dessus, okay. S'il vous plaît. De toute façon, cet été, tu l'as dit, tu reviens, on en reparlera je une sais. Autre fois. Hey, je vais faire une émission qui va s'appeler juste Meux. Juste Meux. Just Meux. Meux avec Carmen Campagne. C'est pas pire, ça? C'est un O barré, en passant. Ceux qui viennent d'arriver et qui ne comprennent pas pourquoi depuis tard, je dis Meux, c'est Meux avec le O, il est barré. Voilà. Donc, on a parlé de vaches, on a parlé de pussy, on a parlé de plein de choses très claires. Justine Renaud, on te retrouve quand tu veux, théoriquement dans deux semaines. Théoriquement dans deux semaines. C'est les jeudis, mercredi, pardon, à 7h30. Oui. Merci. Quand je me réveille à l'heure. Si tu dis. Je vais aller déjeuner, là. Bon appétit. Donc, tu restes pas avec nous, c'est ça que ça veut dire aussi. Ah, je m'excuse. Ouais, tout à l'heure, il y aura, entre autres, 5 minutes de réponse. Là, on a la chronique, le poste d'écoute. Ben oui. Mais avant ça, on est dû pour prendre une petite pause. Ah, ok. Je pense que je vais aller redéjeuner avec Justine. Non. Vous êtes dans la zone 89.1. Des fous dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on est toujours assemblage requis en ce mercredi 2 avril 2014, c'est Stéphanie Paradis. Ah, lui c'est Mathieu Plante. Oui, c'est ça. On cherchait nos versions féminines ou masculines, le contraire de nous. Tu sais, toi, on sait que ce serait... Jean-Philippe Charbonneau. Non. Stéphane d'Enfer. Stéphane d'Enfer. C'est le contraire de Stéphanie Paradis, bien sûr. Oui, exactement. Moi, Mathieu Plante, ce serait Mathilde Fleur, peut-être. La fleur. Plante, non, mais fleur. La plante, ça marche. Peut-être, en même temps. Le tu trouves ça plus féminin, fleur? Moi, un peu. Mathilde, la fleur? Moi. OK. Bon, ça me va. OK. Parfait. On écoute Piff Paff Hangover, puis on s'en va. Je suis sûre que tu serais plus sympathique, Mathilde. Je répondrai même pas à ça. Pas répondu. C'est un assemblage requis.

sur bâton, un peu comme un pogo stick dans le temps. Mais il y a juste un siège au bout et un truc de caoutchouc à l'autre bout. Donc c'est parfait pour... c'est un siège ergonomique, donc tout ce que tu as à faire, c'est quand tu as besoin de t'asseoir, tu te penches contre ce petit banc-là. C'est super le fun. Ça enlève le poids de tes pieds, ça garde le dos bien droit et ça fait même exercer un petit peu tes abdominaux, nous dit-on. C'est super escamotable, décomposable. Donc, on peut l'amener à peu près partout. C'est parfait pour l'extérieur et l'intérieur. C'est 100$ sur Amazon. C'est cool, c'est dans une file d'attente. Oui. T'es poigné debout. À un concert où tout le monde est supposé être debout, toi, tu peux t'asseoir tout en restant semi-debout. C'est cool. Animé à la radio, semi-debout. Semi-debout. Voilà. Comme tous les matins, tout le temps semi-réveillé, semi-debout. Voilà, on va arrêter là, je pense, pour ça, mais ça ne devrait pas. On l'a. On continuera ça la semaine prochaine. On fait ça les mercredis dans Assemblage Rue. OK, yes. On prend une petite pause au retour. C'est le poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. Je reste là, là. Oui, oui. Vous autres aussi? Ah oui. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Et les mercredis aux deux semaines, en fin d'émission, on aime se mettre au courant un petit peu de la musique qui existe. Il y en a tellement. Ben, alors, c'est fou, c'est fou. Donc, on doit filtrer ça. C'est Stéphanie qui est notre filtreuse en chef, une vraie Brita, pour être appelée de même. Hey, mais non, pas un filtre. Je veux pas parce qu'il faut que tu échanges régulièrement les filtres. On peut pas changer Stéphanie régulièrement pour une autre Stéphanie? Tente pas. J'aimerais ça rester. OK. Je vais te laisser rester. Voici le poste d'écoute d'Assemblagerie. Vous êtes au poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. Bravo! Ouais! Bravo! Donc, Mathieu, est-ce que tu sais de quoi je te parle aujourd'hui? Je suis dans le néant total, je ne sais pas. Bon, t'as l'album dans les mains. Donc... Oui, ben j'ai vu le mot gasoline, mais ça me dit absolument rien. Mais c'est ça. Je vous parle de l'album Gasoline, de la formation Gasoline. Donc, assez simple à retenir pour vous à la maison. Donc, la formation Gasoline est originaire de Saguenay. Elle est active quand même depuis 2006. Son premier maxi sorti en 2012, donc ça a quand même pris un certain temps avant que ça sorte. Et ce maxi-là est intitulé Future Baby Mama. Future Baby Mama. Future. Future, comme Future la fourrure. Future Baby Mama. C'est n'importe quoi, c'est drôle. Mais je pensais qu'il y avait une faute au début, je l'ai recherché, c'était vraiment Future Baby Mama. C'est génial. En un mot. Ah oui, OK. C'est un mot. Donc, le groupe, cette même année-là, en 2012, a remporté la seconde place au Francouverte. Quand même. Ben oui. Et j'ai envie de vous lire leur biographie Facebook parce que je trouve ça cocasse. Les biographies Facebook, je me suis rendu compte, sont toujours vraiment, vraiment sympathiques. Ben, c'est souvent écrit par l'artiste comparé à un communiqué de presse qui est écrit par l'étiquette derrière l'artiste. Oui, c'est ça. Donc, on voit un peu plus la personnalité, oui. La couleur, la texture. L'odeur derrière. Du gaz, mettons. C'est... Parce que je pense qu'ils en ont peut-être sniffé un peu du gaz. Peux-tu sniffer ça? Donc, je vous lis la biographie et ça va comme suit. Trois garçons, beaux garçons. Me badass, me lover. Du cuir, des blousons pourpres. Des guitares en poignée à pleine main. Des traits de clavier. Teenage love la nuit. Grosse lune pleine. Sur scène, une odeur de fuel. Pour y mettre le feu. Devant la scène, du brassage de tête. Des déhanchements de fessiers de filles. Last call. Donc, je vous laisse donc découvrir dès maintenant le pop rock de ces trois me badass, me lover. Donc, on y va tout de suite avec la première pièce qui est Du feu. Donc, on s'en va entendre Du feu de Gasoline de l'album Gasoline. On a fait du feu, enfants. Dans le froid, on peut perdre raison. J'ai pas cru. Tout de suite à tes mensonges, j'ai plongé dans le vide, l'ouverture. sexe me range. J'ai pas trouvé de raison de profonde. J'ai pas trouvé de raison de profonde. J'ai pas trouvé de raison de profond. J'ai pas trouvé de raison de profond. Ton monde est fait de glace, faux de Léon. C'était Quand tu danses de Gasoline. Et tout juste avant dans le bloc, c'était Du feu, toujours de Gasoline, parce que c'est le poste d'écoute. Ah! Et on vous présente l'album Gasoline de Gasoline. Ça rock le gaz pas mal, là. Ça prend son gaz égal. Là. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. C'est pas pire. Oui. Donc, pour son tout dernier album homonyme, Gasoline s'entoure de bonnes personnes pour en faire un succès. OK, donc vraiment plein de noms que tu vas reconnaître. On a Xavier Caffeine à la réalisation. Wow. On a Ryan Battistuzzi comme co-réalisateur. Donc, ça, c'est Malajub et les Breastfeeders. On a Gus Van Gogh, des Trois Accords, Vulgaire Machin, Priestess. Ainsi que d'amicaux collaborateurs comme Colin Moore et Marianne Arsenault pour Propofol et Ariel. Et finalement, le visuel de la pochette est signé Alexander Ortiz de We Are Wolves. Aïe, aïe. Donc, plein de grands noms pour faire un beau projet, grand projet. Donc, je pense que t'aimais ça. T'en veux encore, hein? J'en veux, je dirais, deux fois plus. Bon, ben c'est bon. On va aller entendre deux autres pièces et on commence dès maintenant avec la pièce 11, qui est la piste 11. Ah, piste 11. Ça s'appelle 11. OK. Ah, OK. C'est cool. Dans le poste d'écoute. Bon. une déesse que j'ai ramenée au vivant. Je ne suis pas manipulé par elle, mais je ne sais pas pourquoi les femmes qui sont belles me font toujours les perdre ou les tâcher de sang. Gasoline et l'extrait Vexe-moi. Ouais. Et tout juste avant, c'était la longue pièce 11. Tout très ça longue. Dans le poste d'écoute. Je t'ai demandé deux fois plus de Gasoline, tu m'en as donné trois fois plus. Donc c'est ta générosité légendaire. Hein? Oui, c'est ça. Tout le monde sait que je donne sans compter. Tu ne demandes jamais rien en retour. Tellement pas vrai. Donc on a entendu quatre pièces de l'album Gasoline de Gasoline, c'est bien ça. C'est ça, c'est ben le oui, l'album ben oui, c'est exactement ça, les petits gars badass du Saguenay. Ils ont l'air à ça pas mal. On les félicite. C'est vraiment le fun d'avoir du nouveau francophone à se mettre dans l'oreille parce que pour vrai, ça fait un petit peu dur. Il y a bien des choses qu'on aime dans le palmarès, mais qu'on n'a pas de nouvelles entrées tant souvent que ça parce que c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. On sort des 12 extraits de suite de chaque album parce qu'on n'a rien d'autre. Donc, il y a un peu de nouveauté. Ça fait du bien du côté francophone surtout. Voilà. Et on retrouve le poste d'écoute aux deux semaines. Ça nous aide à trouver de la nouvelle musique du côté franco et du côté anglais. Une fois de temps en temps. Donc, c'est aux deux semaines, les mercredis, en fin d'émission à 9h. Et voilà. Merci Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Nous, ça va être la fin d'Assemblage requis pour cette édition. On se retrouve demain, mais avant ça, on va remercier Justine Renaud, quand même, qui a participé avec sa chronique Justine aux platines précédemment dans l'émission. Demain, on aura François Landry qui va être là pour parler de politique dans sa chronique Logocratie 101. On va essayer de vous vendre des choses avec notre segment publicitaire Le Bloc Pub. Et Stéphanie Paradis va m'aider à finir mon assiette dans la bouffe et la malbouffe de la semaine. Aucun problème. En fin d'émission, comme on le fait toujours, c'est demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes, le dîner de con s'en vient à 11h avec Danny Janvier, en après-midi c'est hors zone, suivi de Génie en liberté. Je vais de retour à 16h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, accompagné de Marie-Ève Picard, bien sûr. Et finalement, en soirée, du rap avec Rapologie à 18h et Les Audacieuses avec des découvertes musicales à 19h. Voilà, bon, c'est fou. Stop. Oui, c'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci encore, Stéphanie Paradis. Merci, Mathieu Plante. Passe une belle journée. Toi aussi. À demain. Bye.